Mireille Kanyang. Dorine Ouimana sur la mise en onde. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition de ce 18 août. En voici les grands titres. Le Conseil national de sécurité s'est réuni vendredi. Entre autres points à l'ordre du jour, ce sont les quantités de minerais produits dans le pays. Le Conseil est également revenu sur la carence des devises. Vous entendrez en début de cette édition le secrétaire permanent du dit Conseil. Dans cette édition, vous aurez la réaction des partis Uprona et CNL relative à la célébration hier de la journée baptisée Imbonera Kure Day. C'est cette jeunesse du parti au pouvoir. On parlera également des grognes des clients des bureaux postaux, des chefs-lieux des provinces Bururi et Rumonge. Ils disent avoir plutôt des difficultés de retrait au moment voulu. Les détails, c'est dans quelques poussières de secondes. Isanganiro. Rebonjour. Le Conseil national de sécurité recommande à trois ministres et la Banque de la République du Burundi de suivre de près les activités des bureaux de change. Procédant à la présentation du compte rendu de la réunion tenue vendredi de cette semaine, le secrétaire permanent explique que ce conseil note une spéculation des devises par certains changeurs. Une fraude qui entraîne la dépréciation de la monnaie locale, souligne le général de brigade Silas Nigurigwa, secrétaire permanent de ce conseil. Je vous prie de le suivre. Le Conseil national de sécurité déplore la spéculation observée au niveau des bureaux de change des devises faites par certaines personnes en violation flagrante des lois et règlements régissant cette activité. Cette fraude entraîne la dépréciation de la monnaie nationale et constitue de ce fait une entrave au développement économique et social de notre pays. Le Conseil national de sécurité recommande particulièrement au ministère en charge des finances, du commerce, de la sécurité publique, de la justice et de la BRB d'identifier le réseau de ces gens pour les infliger des sanctions conformément à la loi. Le Conseil national de sécurité recommande également au ministère de l'énergie et mines de prendre des mesures urgentes aux sociétés exploitant les minerais qui ne respectent pas certaines clauses des contrats conclus avec le gouvernement burundais. Le secrétaire permanent explique que certaines de ces sociétés ne veulent pas honorer leurs engagements. Suivez encore une fois le général de brigade Silas Nigurigwa, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Après avoir analysé les rapports élaborés par certaines sociétés œuvrant dans le secteur minier, terres rares, le Conseil national de sécurité remarque que certaines sociétés minières et celles qui exploitent la terre rare ne veulent pas s'acquitter de leurs engagements conformément à toutes les clauses des conventions signées avec notre pays. Le Conseil national de sécurité recommande au ministère de l'énergie et des mines de prendre des mesures conséquentes et urgentes à l'endroit de chacune des sociétés qui ne voudra pas respecter la loi et les conventions signées ou qui produit des rapports biaisés cachant la réalité de la production qu'ils obtiennent afin de protéger les intérêts de la nation. Général de brigade Silas Nigurigwa, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, des éléments sonores que nous devons à nos confrères de la radio nationale. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique à 13h, pile dans les studios de la radio Isanganiro. Le parti Uprona trouve normal la célébration de la journée dédiée aux militants du parti CNDD et FDD tel qu'il a été organisé ce samedi sur tout le territoire burundais. Abel Gachatsi, président de ce parti, explique que chaque parti politique a sa façon de s'organiser sur le terrain. Espère que des messages véhiculés à travers ces célébrations sont constructifs. Suivez-le au téléphone avec Placide Niomungere. Le parti prenant considère que cette activité, c'est une activité normale, une activité qui rentre dans le cadre d'organiser les militants, surtout de se préparer aux élections de 2020. Comme d'ailleurs le parti prenant le fait aussi, et au sein du parti prenant, nous organisons des défenses, nous organisons des réunions à l'endroit des femmes, des jeunes hypronistes, et nous organisons des activités allant dans le sens de mobiliser pour les élections de 2020. Au Burundi, on est aujourd'hui à 9 mois des élections. Donc, un parti doit se préparer, doit s'organiser, doit organiser les militants, doit vraiment se préparer aux élections de 2020. D'ailleurs, ce n'est pas le parti CNDD-FDD seul, mais la campagne proprement dite n'est pas encore programmée, mais d'ici peu, nous allons entamer cette campagne. Mais pour le moment, ce sont des activités qui préparent les élections de 2020. Je n'étais pas dans ce genre de réunion, mais je pense que, comme d'ailleurs nous l'avons convenu, on doit lancer des messages à la dans le sens de réconcilier tous les Burundis, que ce soit nos militants et les militants des autres formations politiques. Donc, un message d'apaisement. Abel Gachatsi, président du parti Uprona, du côté du parti CNL, Terence Nahimanas, porte-parole de ce parti, estime que l'important est d'offrir la même opportunité à tous les partis et que le message transmis soit réconciliant. Suivez. Qu'il y ait une journée dédiée à la jeunesse ou aux jeunes affiliés au parti, au pouvoir, au départ. Ça, c'est normal pour nous, il n'y a pas aucun problème. Seulement, le problème est que cette occasion soit offerte au maître de la lutte à toutes les formations politiques. C'est la célébration qui se tient la veille des élections de 2020. Comment on devrait organiser de telles célébrations? D'emblée, il faut que le deux poids, le deux mesures ne soient pas observés dans la manière de traiter les formations politiques. Pour le moment, je suis à Moyenga. Hier, il y avait une journée dédiée aux jeunes affiliés au parti au pouvoir. Ils ont eu l'occasion de manifester, ils ont eu l'occasion d'être embarqués dans des sous-sols, etc. Mais pour nous, le parti CNL, on voit que les gens sont bloqués et on les empêche de passer à leur activité politique comme les autres formations politiques. Donc, c'est laïque qui doit avoir une situation. Sinon, on dirait que nous sommes dans un régime ou bien dans un pouvoir monopartique, ce qui serait contraire à la loi burundaise qui reconnaît le multipartisme consacré par la Constitution et d'autres lois du pays. Nous avons toujours dit et nous le répétons toujours, il faut que tous les partis politiques, toutes les formations politiques soient traitées au même titre d'égalité et que la loi soit respectée pour tout le monde. Sinon, on dirait qu'il y a ceux qui sont considérés comme des parias sur la scène politique burundaise, ce qui serait contraire à la démocratie et au pluralisme politique. En rectificatif, c'est Terence Manirambona et non Terence Nahimana, comme je venais de vous le dire. Toujours en page politique, cette fois-ci en province Bubanza. La permanence du parti CNL en commune Musigati de cette province n'a pas été officiellement inaugurée hier samedi comme prévu. Les membres de ce parti se lamentent. Alexis Manirakiza, représentant de ce parti au niveau provincial, déplore les faits et fait savoir que ce genre d'intolérance politique s'observe presque dans toutes les communes de cette province. Et au niveau de l'administration, on demande aux membres du parti CNL de travailler conformément à la loi. Les détails avec Spes Caritas Kabanyan. Ce vendredi, l'administrateur de la commune Musigati a interrompu les travaux de finissage du local abritant la permanence du parti CNL. Jean Bosco Ndikumana, administrateur de la commune Musigati, a également interdit l'inauguration de cette permanence de cérémonie qui était prévue pour ce samedi. Les membres du CNL se lamentent et parlent d'une intolérance politique. De son côté, l'administrateur de la commune Musigati explique que la permanence du CNL est située tout près d'un débit de boissons, pour laquelle il a interdit son inauguration. Un bistrot ne peut pas cohabiter avec une permanence d'un parti politique comme il nous l'a expliqué. Même scénario en commune Manda, les permanences du parti CNL qui allaient être inaugurées à la fin du mois passé n'ont pas été inaugurées. Des cadenas ont été posés sur la permanence 6 tout près du chef-lieu de la commune Manda. L'administrateur explique qu'elle est proche de celle du CNDD-FDD. Le représentant du CNL dans cette commune de Manda déplore le fait qu'il n'a pas pu récupérer 300 000 francs qu'il avait donné comme avance en location de ce bâtiment. Les membres du CNL dans cette province demandent aux autorités de préciser la distance qui doit séparer les permanences des différents partis politiques car dans plusieurs localités, les administratifs interdisent l'inauguration des permanences du CNL expliquant qu'elles sont proches d'autres permanences. Alexis Manirakiza, représentant le parti CNL dans la province de Bubanza, déplore les faits et parle d'une intolérance politique. politique. Il demande aux administrateurs de laisser le CNL fonctionner en toute liberté. C'est au moment où les administratifs demandent aller retour aux membres du CNL de travailler conformément à la loi. Spécialitas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Quittons la province Bubanza, c'est à l'ouest du pays, pour nous rendre en province Bururi et Rumonge, c'est au sud du pays, où certains parmi les clients des bureaux postaux des chefs-lieux de ces provinces Rumonge et Bururi se lamentent qu'ils n'ont pas le droit à leur retrait au moment voulu. Ils disent qu'ils n'ont plus de moyens financiers pour réaliser leur projet, demandent que ce problème trouve solution. Au niveau de ces postes, l'on informe que l'on doit attendre des liquidités venues de Bujumbura. Des précisions de Jean-Pierre Misago. Ce problème de manque de liquidité à la poste Rumonge débute avec ce mois d'août en cours, selon certains clients de cette institution bancaire. Ils disent que ce n'est pas garanti de rentrer avec son salaire, encore moins ses dépôts si quelqu'un en a besoin. Tantôt, ce sont les liquidités qui s'épuisent, tantôt, la réponse est qu'il faut attendre un courrier en provenance de Bujumbura et cela peut durer toute une semaine, comme l'indiquent certains clients de la Poste Rumonge rencontrés ce vendredi. La même situation s'observe au chef-lieu de la province de Bururi, comme l'a décrit un client de cette poste rencontré ce samedi, brandissant un chèque qui n'a pas été servi. Certains de ces clients de Bururi et de Rumonge disent qu'ils ont été obligés de se rabattre à la poste centrale de Bujumbura. Les uns ont été servis, d'autres non, ici aussi par manque de liquidité. Ces clients disent être dans l'incapacité de réaliser certains de leurs projets comme la construction, l'achat du fourrage pour leur bétail, l'achat des matériels scolaires pour leurs enfants et bien d'autres projets et demandent que ce problème trouve solution dans les meilleurs délais. À la Poste Rumonge, l'on reconnaît seulement cette carence de liquidité qu'on reçoit de Bujumbura avant de se déclarer incompétent de fournir de la lumière sur ce problème. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Quittons le sud du Burundi pour nous rendre en province Muramvya, c'est au centre du pays. Eh bien, la commune Muramvya, dans la province Muramvya où vivaient tous les rois burundais, a pris la décision de construire et réhabiliter tous les lieux et sites marquant la monarchie burundaise située dans cette province. Ceci a été dit par l'administrateur de Muramvya qui indique que l'enclos ou le palais du roi Mwambutsa Bangirikenge est déjà reconstruit et que d'autres sites suivront et que cet enclos génère des recettes pour la commune. Le gestionnaire de l'enclos du roi Mwambutsa explique que celui qui visite de tels sites augmente ses connaissances du passé du pays. Les précisions de Gérard Nibikira. À la colline Muramvya, commune et province Muramvya, plus précisément l'ancienne place où était érigé le palais royal de Mwambutsa Bangirikenge, il y a environ 2 ans qu'un enclos royal ou palais royal qui a pris son nom et reconstruit à quelques mètres de là se trouve une tombe construite de façon moderne mais qui est progressivement délabrée. Bachira Ishize Donatien, responsable de cet enclos royal de Mwambutsa Bangirikenge, parle de sa composition, à savoir une hutte royale, une hutte pour ses serviteurs, une hutte pour Kiranga, l'intermédiaire entre les anciens Burundais et leur dieu Imana, et une hutte pour les tambours, dont le tambour Ruchiteme et Murimigwa, et le nom des différents compartiments de la hutte royale. Il déplore néanmoins la disparition des bosquets des rois causés par des gens qui les ont coupés. Pour Vachirai Shize Donatien, les gens qui visitent de tels lieux enrichissent leurs connaissances en ce qui concerne l'histoire du Burundi. De son côté, l'administrateur de la commune Muramvya, Sabimana Donatien, indique que cet enclos royal Mwambutsa Bangirikenge fait entrer certaines recettes dans la caisse communale car les visiteurs payent. Il souligne également que plusieurs activités seront faites comme la réhabilitation des bosquets des rois, la reconstruction de l'enclos royal de Mwezi Gisabo à la colline Ndago, sans oublier la réhabilitation du chemin emprunté par le nouveau roi lors des cérémonies de son intronisation. Cependant, les communes de la province Muramvya où passe ce chemin partageront le coût des travaux de sa réhabilitation, a-t-il précisé. Depuis Muramvya, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. Terminons cette édition par cette brève internationale à 13h10 dans les studios de la radio Isanganiro. C'est la République démocratique du Congo. La rougeole a fait plus de 2700 morts en 7 mois. Cette épidémie de rougeole déclarée le 10 juin dernier est la plus meurtrière que la République démocratique du Congo ait connue depuis 2011 à 2012, écrit le site web de la radio BBC Afrique. Entre janvier et début août de cette année, elle a infecté plus de 145 000 personnes et a entraîné 2758 morts, écrit MSF dans un tweet daté de vendredi que BBC a repris. Et malgré l'ampleur de l'épidémie de rougeole en République démocratique du Congo, a écrit toujours la BBC, il y a un manque alarmant d'acteurs et de fonds avec 2 millions de dollars mobilisés pour les 8 millions requis pour le plan de réponse. Le contraste avec l'urgence Ebola qui attire des centaines de millions de dollars est frappant, ajoute l'organisation humanitaire que rapporte le site web de la BBC Afrique. Voilà, à 13h11 dans les studios de la radio Isanganiro. Et ça s'achève cette édition de ce dimanche 18 août. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction de ce dimanche qui m'a aidé à le réaliser, à Dorine Ouimana qui assure la mise en onde. Je dis merci. Une excellente journée dominicale à tous et à tous. Au revoir.